radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On en parle peu, bien trop peu, et pourtant son passé couvre un continent. Pourquoi donc évoque-t-on si rarement l'archéologie des Amériques ? Très probablement parce que la Grèce, Rome, l'Égypte, dans une moindre mesure la Mésopotamie, constituent nos fondamentaux, notre propre culture classique. Mais aussi parce qu'évoquer l'Amérique, c'est penser à un monde construit de façon autonome, sans influence, une histoire originale et parallèle en quelque sorte, une autre histoire qui nous en apprend aussi sur l'émergence et l'évolution des sociétés, leur structure politique, économique et sociale, la diversité des cultures et des civilisations, dont certaines deviendront des États, des empires. Le magazine d'archéologie de France Culture se consacre donc ce soir au monde précolombien avec, pour en parler, Brigitte Faugère. Bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Archéologue, professeur à l'Université de Paris 1, membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste du Mexique central et de la culture Chupicuaro, vous venez d'éditer l'Atlas de l'Amérique précolombienne, ouvrage collectif sous votre direction et celle de Nicolas Göpfer. Brigitte Faugère. Un continent pour 30 minutes, c'est un pari un peu fou, eu égard à la diversité des sociétés qui, sur un territoire immense, se sont adaptées à des conditions environnementales variées, cela de l'Arctique aux zones les plus tropicales, humides. Oui, c'est un double continent en réalité. Depuis l'Arctique jusqu'à donc la Patagonie, avec des diversités climatiques et environnementales, des diversités de paysages absolument considérables. On retrouve tout, en réalité, sur ce double continent, depuis les zones arctiques, les steppes, les déserts les plus arides, les forêts des milieux tempérés, les forêts tropicales, l'Amazonie, bien sûr. Les rivages. Très important. Les rivages ou les gens qui sont des zones de circulation depuis les origines, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a eu probablement des circulations qui se sont effectuées depuis des époques reculées par les côtes. La région la plus étudiée reste cette Mésoamérique du Mexique en descendant bien plus bas jusqu'au Pérou, c'est ça ? C'est cette frange qui est étudiée par les archéologues ? Oui, alors les États-Unis sont très étudiés aussi, bien évidemment, puisque les grandes universités américaines travaillent dans toutes les universités américaines, pratiquement, il y a des départements d'anthropologie. Mais les régions où, effectivement, des grandes entités politiques se sont développées, où donc il y a eu une sorte de focalisation des travaux archéologiques, sont la Mésoamérique, avec le Mexique au centre, et le Pérou, avec notamment pour l'Empire Inca. Brigitte Faugère, puisque nous allons parler de la période antérieure à la conquête, j'aimerais savoir ce qu'il reste encore de ce lointain passé. Est-il toujours présent ? Pour prendre un exemple, l'effondrement maya n'a pas fait disparaître totalement la population. En un mot, les mayas sont-ils toujours présents ? Oui, bien sûr, les Mayas sont présents, ce sont des sociétés vivantes, ce sont des sociétés variées, qui d'ailleurs proposent aujourd'hui des revendications identitaires, y compris sur le plan politique. Mais il y a les Mayas et il y a aussi beaucoup d'autres régions dans les Amériques où les cultures préhispaniques ont des héritiers. Et évidemment, celles où ces héritiers sont les plus visibles sont celles qui étaient les plus peuplés au moment de la conquête. À savoir le Mexique et le Pérou. qui étaient précisément les lieux où s'étaient développés les grands empires les plus tardifs. Évidemment, on raisonne aussi sur le temps long. On sait que cette situation est celle du XVIe siècle de notre ère, mais que cette densité de population est une situation relativement récente, qu'il y avait autrefois, à des périodes plus reculées, des régions qui étaient très peuplées. Il y a toujours cet exemple de l'Amazonie, qui était une région où la population avait baissé donc au XVIe siècle, ou peu de siècles avant, alors qu'elle était beaucoup plus peuplée quelques siècles auparavant. Et donc, il faut raisonner sur le temps long avec cette idée qu'il y a eu des variations dans la répartition des populations sur les trois derniers millénaires. Travail, bien sûr, de Stéphane Rostin, qui travaille en Amazonie. Est-ce que, justement, certaines traditions perduraient dans l'architecture, dans les rituels, par exemple ? Dans le domaine de la vie domestique, je prendrai par exemple l'exemple de la cuisine. Les recettes, l'alimentation sont restées en grande partie les mêmes qu'à l'époque préhispanique. C'est vrai dans le domaine aussi de l'architecture, en particulier l'architecture domestique, où on construit encore aujourd'hui comme autrefois avec des matériaux à base de terre crue, les briques d'adobe ou le torchis. Donc les techniques de construction sont aussi adaptées aux conditions environnementales, à la disponibilité des matériaux, bien sûr, mais aussi au caractère sismique de ces régions. Ce sont des régions soumises aux tremblements de terre, avec un volcanisme très actif. Et donc il y a à la fois, pour assurer la permanence, la solidité des constructions, des techniques particulières, et la disposition de certains matériaux également qui sont fournis par le volcanisme. Je pense à certains types de roches volcaniques qui étaient utilisées dans l'architecture à l'époque précolombienne et qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Donc ça, c'est sur l'aspect des techniques et de la culture matérielle. Dans le domaine des rituels, il y a encore, dans certaines régions, notamment dans les hautes-terres mayas ou au Pérou, un certain nombre de traditions qui sont vivantes aujourd'hui, de rituels qui sont encore pratiqués dans les communautés, notamment des rituels de rogation de pluie. On est dans des climats tropicaux où les pluies sont aléatoires. Ce sont des régions qui souffrent soit du manque, soit de l'excès d'eau. Et donc, il faut réguler ces pluies. Donc, il y a des rituels encore aujourd'hui concernant donc ces cycles liés à l'agriculture et aussi des rites de protection des communautés qui sont encore très, très vivants. Malgré le christianisme, tout ça a réussi à passer le temps. C'est assez extraordinaire. Oui, bien sûr. Il y a des églises dans tous les villages qui sont souvent construites par-dessus les temples préhispaniques. Ça a été une volonté au moment de la colonisation de superposer les édifices religieux sur les anciens temples pour que les populations adoptent la religion plus facilement, disons. Donc des églises dans tous les villages, mais qui sont bien différentes de nos églises, puisqu'à l'intérieur, il y a une forme de vénération des saints et il y a des pratiques rituelles qui sont étranges pour des Européens, avec des sols couverts d'épines de pin et des spécialistes rituels, qu'on appelle aussi de temps en temps des chamans, qui font, à la demande des familles, des rituels de protection ou de curation. C'est beaucoup lié aux maladies, pour essayer d'aider donc les membres de la communauté. Au XVe siècle, deux grands empires guerriers règnent sur le double continent, les Aztèques dans l'actuel Mexique et bien sûr les Incas au Pérou. Mais avant d'évoquer cela, faisons un petit tour d'horizon de l'actualité. On a récemment évoqué la découverte de puits, de grottes en territoire maya. Plus incroyable, la mise au jour d'une tour édifiée en crâne humain en plein Mexico. Oui, les découvertes sont quotidiennes, en réalité. Pour ce que vous évoquez pour la zone maya, il y a eu depuis quelques années beaucoup de renouvellement des connaissances parce que nous utilisons des techniques de plus en plus performantes. Il y a depuis maintenant plusieurs années, l'utilisation et la généralisation des relevés LIDAR, donc des relevés par radar, qui sont particulièrement utiles dans les zones de forêt, puisque dans ces zones de forêt, les vestiges archéologiques sont difficiles à repérer. Et c'est là où on s'aperçoit que on avait quelques bâtiments, mais que la ville ou la cité peut s'étendre sur des kilomètres avec des axes et autres. C'est une méthode assez extraordinaire. Oui, ces relevés LIDAR ont permis notamment en zone Maya, qui est couverte de forêts, de se rendre compte que les paysages qu'on pensait des paysages vierges entre les grandes capitales Maya étaient des paysages anthropisés, couverts de terrasses, sillonnés de chaussées, et que avec donc des carrières, on peut reconstituer réellement ces paysages et ça amène aussi à revoir complètement les évaluations démographiques. On se rend compte que c'était des zones qui étaient très peuplées, notamment à la période d'apogée, donc à la période classique, entre, disons, 700, 800 après Jésus-Christ, pour ce qui concerne les Mayas. La difficulté dans ces relevés, c'est que effectivement, on a une image qui aplatit la chronologie, et qu'il faut évidemment aller sur place pour dater les constructions. Un des bons projets serait le projet Nachum, justement, autour du LIDAR. Un projet qui est dans votre équipe CNRS, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Notre collègue est d'ailleurs sur le terrain en ce moment. Et voilà, c'est d'ailleurs un projet collectif, puisqu'il y a plusieurs universités, une grande fondation guatémaltèque, qui ont contribué d'abord à financer ces relevés LIDAR, et ensuite, pour exploiter les données, il y a, pour des dizaines d'années, voire plus, de travail pour les archéologues. La fameuse tour en os, donc en crâne humain de Mexico, Plaza Mayor, c'est bien ça? Voilà, ça c'est le Templo Mayor, c'est donc des fouilles d'archéologie urbaine qui ont lieu dans le centre de la ville de Mexico, la capitale du Mexique, et qui ont débuté dans les années, au tout début des années 80, puisque c'était un quartier donc tout à fait au centre de Mexico où se trouvait l'ancien temple aztèque, mais qui avait été recouvert à l'époque coloniale par le centre de la cité coloniale, puisque comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les Espagnols, quand ils sont arrivés, ont pris l'habitude de construire leur centre sur les centres anciens, de les raser les centres anciens et de construire leur capitale coloniale par-dessus. Et donc, il y a eu la possibilité, au début des années 80, de fouiller une partie du centre historique de Mexico, parce que les immeubles étaient en très mauvais état, assez délabrés, et donc les fouilles d'archéologie urbaine ont démarré, et continuent aujourd'hui, avec, tous les ans, des découvertes absolument fantastiques, d'une part parce qu'on est au centre même de la capitale d'un empire, et d'autre part parce que cette capitale était situé sur un lac et que tout ce qui a été enterré est merveilleusement conservé, y compris les matières organiques. On retrouve des tissus, on retrouve des coraux, on retrouve des restes d'oursins, des fleurs, le bois, bien entendu. Et donc, des conditions tout à fait exceptionnelles pour la conservation des matériaux et la qualité, bien entendu, des dépôts. C'est donc notre collègue Leonardo López Lucán, qui est chargé de ces fouilles depuis de nombreuses années, avec chaque année des découvertes absolument fantastiques. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Brigitte Folger, remontons à environ 10 000 ans et à la domestication des plantes, moment bien sûr charnière pour la Mésoamérique, comme ailleurs d'ailleurs. Vous présentez des cartes qui sont très claires dans votre ouvrage. On y apprend l'apparition de la courge, puis du maïs, comme par exemple la cacahuète et le manioc qui se fait bien plus au sud. Oui, les plantes ont des répartitions différentes, bien évidemment. Alors, la question de la domestication sur un continent aussi vaste progresse à petits pas, si je peux dire ça comme ça. On a pensé pendant longtemps que le maïs était originaire du Mexique. On sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs foyers de domestication. Et puis toute une variété de plantes absolument phénoménales. Le tournesol, le maïs, les haricots, les courges, les tomates, le cacao, le piment, bien sûr. Autant la pomme de terre, La pomme de terre, on allait l'oublier. Voilà, autant de produits qui sont à la base de notre alimentation aujourd'hui et qui sont originaires des Amériques. Le tabac aussi. Et donc, ces plantes sont apparues dans différentes régions au cours d'une période donc, qui débute autour de 8000 ans. Des transferts, des diffusions existent aussi et permettent de voir des liens, des filiations avec ces plantes qui sont échangées, qui circulent, qui vont être domestiquées secondairement, veux-je dire. Oui, bien sûr, il y a des circulations de ces plantes, de l'utilisation de ces plantes, des recettes aussi liées à l'utilisation de ces plantes, et c'est tout ce que les archéobotanistes étudient. L'élevage est en revanche dans certaines zones très limité. C'est par exemple le cas de la Mésoamérique où très peu d'animaux le sont. Curieusement oui, d'ailleurs. Alors contrairement aux Andes, en Mésoamérique, nous n'avons que trois espèces domestiquées. Le chien, le dindon, qui est donc la volaille locale, et les abeilles pour la production de miel. Alors, on sait cependant qu'il y avait, et ça c'est une spécificité de l'archéologie américaine qui est très intéressante, c'est qu'il y avait une forme de gestion des espèces sauvages. Je pense en particulier aux cervidés, hein, qui sont les animaux chassés par excellence, c'est-à-dire c'est la proie la plus importante en taille en Mésoamérique, puisqu'il n'y avait pas, je le rappelle, ni de bovins, ni de chevaux. Donc la faune était très limitée, y compris la faune sauvage. Et les cervidés vont rester les proies chassées jusqu'à la conquête. Mais on sait aussi qu'il y avait des formes, d'abord une sélection des animaux qui étaient chassés, et que aussi ces animaux étaient en quelque sorte attirés par les cultures, par les champs de maïs, et que donc il y avait une forme de proximité, ce qu'on appelle le garden hunting, la chasse dans le jardin. La chasse dans le jardin, c'est-à-dire que il y avait quand même, les animaux étaient habitués à la présence humaine. Donc il y avait une forme de proximité et un modèle. Un commensalisme. Voilà. Centrons-nous sur la Mésoamérique. Quelle est donc cette drôle de notion ? Il s'agit bien sûr d'une zone géographique, mais qui partage dès 1400 avant notre ère des idéologies communes. Oui, c'est alors le concept de Mésoamérique est un concept culturel qui donc s'appuie sur la reconnaissance d'un certain nombre de caractéristiques culturelles sur un territoire au XVIe siècle. Donc c'est une portion de territoire où les cultures qui vivaient partageaient un certain nombre de valeurs, que ce soit dans le domaine idéologique ou politique, pour simplifier. Sur l'idéologie, quelles sont-elles ? Alors, sur l'idéologie, il y a un certain nombre de pratiques rituelles, en particulier celle du sacrifice humain, mais aussi la connaissance et une très grande importance du calendrier, c'est-à-dire que les groupes qui habitaient ces régions comptaient le temps, étaient obsédés par l'écoulement du temps, et que, à cause de ça, ils avaient élaboré des calendriers extrêmement précis qui rythmaient les fêtes religieuses. Et donc ça, on sait que c'est aussi, dans le domaine idéologique, un élément partagé, bien sûr, sur le plan idéologique, une forme de concevoir le pouvoir aussi, le pouvoir politique, avec des systèmes assez hiérarchisés, des royautés, avec des rois sacrés qui sont les intercesseurs entre les humains et les forces surnaturelles. On est aussi sur une sorte d'opposition et de complémentarité de principes, le journal la nuit, les saisons sèches, les saisons de pluie. Oui. Sur le plan de l'idéologie et des mythologies, de la cosmogonie, la conception cosmogonique, on est dans des systèmes, effectivement, où un des facteurs très structurants est le mouvement, l'alternance, l'équilibre entre les forces, entre le jour et la nuit, entre la saison sèche, la saison des pluies, le masculin, le féminin. Et que donc, c'est les dynamiques créées par ces jeux d'opposition qui animent notre univers. Qu'en est-il de l'écriture? On dit qu'elle aurait pu naître autour de 1000 avant notre ère. En tout cas, elle est bien présente durant la toute fin du préclassique, de la période préclassique à Waraka, c'est bien ça? Oui, alors ce sont les débuts de l'écriture. Enfin, nos connaissances progressent toujours. Mais c'est l'écriture liée à la civilisation zapotèque qui serait la première. Elle n'est pas encore aujourd'hui très bien déchiffrée. Donc les apports de cette écriture sont encore assez limités sur les contenus des textes. En revanche, on connaît aujourd'hui très très bien l'écriture maya qui, donc, elle aussi commencerait aux alentours vers 500 avant Jésus-Christ. Et on a énormément de monuments datés grâce à cette écriture, puisque c'est une écriture glyphique, gravée sur les monuments de l'époque classique et qui nous informe notamment sur les systèmes politiques, sur les royautés, sur les alliances politiques, sur les mariages dynastiques. Et on peut, grâce à cette écriture maya, réaliser en quelque sorte, reconstruire une géopolitique des cités mayas sur quelques siècles de l'époque classique. Les Olmèques seraient la première grande civilisation de Mésoamérique, et cela vers 1500 avant notre ère. Mais à quel moment voit-on réellement l'émergence d'une complexification sociale? On évoque le premier millénaire avant notre ère. Que se passe-t-il? D'abord, il y a une augmentation de la population, très sensible, qui s'explique par l'amélioration des techniques agricoles. La généralisation de l'agriculture, l'amélioration des rendements agricoles fait que la population peut se multiplier et que les hommes doivent organiser leur vie sociale. Et donc, c'est effectivement au tournant, au début du premier millénaire, entre le premier et le second millénaire avant notre ère, qu'on va voir apparaître la complexité sociale que l'on mesure, nous archéologues, par l'apparition des premières capitales régionales, puis des villes, et également des systèmes politiques complexes, l'émergence des royautés en particulier, qui est visible à la fois dans les structures funéraires, où on peut observer une inégalité dans les modes de dépôt funéraire, et dans l'iconographie. L'urbanisation est ancienne en Mésoamérique. Le meilleur exemple ne serait-il pas le site de Monte Albán? Alors, Monte Albán, c'est effectivement une capitale zapotèque ancienne, puisqu'elle est fondée en 500 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est un des sites urbains, si on peut dire, les plus anciens, qui va permettre aux élites de se regrouper autour d'un centre cérémoniel où étaient développées les activités rituelles, religieuses, mais aussi tout ce qui était les rituels liés à la politique. Et notamment politique et guerre, annexion de territoire, que l'on peut connaître grâce là aussi à l'iconographie et à l'écriture que l'on trouve sur le site de Monte Albán. La Mésoamérique est-il un monde violent? Ce sont des sociétés très différentes de nous, avec des références culturelles vraiment très différentes. Au niveau de l'idéologie, les sociétés humaines sont immergés dans la nature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie comme dans nos sociétés. L'humain fait partie d'un ensemble naturel et l'humain doit rétribuer la nature. Et c'est en quelque sorte à cause de ça que on peut percevoir, nous, de notre côté, de nos sociétés, on peut les percevoir comme des sociétés violentes, mais cela correspond réellement à une autre perception de la place de l'humain. C'est pour ça que quelquefois on se fait même saigner quotidiennement. C'est la place du sang et journalier est très visiblement importante. Comment ne pas évoquer Teotihuacan au nord-ouest du bassin de Mexico? La cité semble être un vrai projet urbanistique programmé, et cela dès le début de notre ère. Alors Teotihuacan, c'est la ville à proprement parler, entre 200 000 habitants, 250 000 habitants, en 450-500 après Jésus-Christ. Ça fait une grande ville à l'échelle mondiale, avec un début de croissance urbaine autour du début de notre ère, lié à l'activité volcanique. L'originalité de Teotihuacan, c'est que c'est une ville dont le plan a été conçu dès le départ, et qu'il n'y a pas eu de modification du plan initial tout au cours de sa croissance. Une sorte de ville neuve. Une ville neuve, en quelque sorte, même s'il y avait un petit village originel, et qui est formé, on connaît bien aujourd'hui ces processus de croissance urbaine qui sont liés au volcanisme. Il y a eu des éruptions volcaniques très très dévastatrices dans le sud du bassin de Mexico et dans l'état de Puebla de Tlaxcala, donc une zone où se trouvent des très grands volcans, qui sont entrés en éruption, qui ont chassé les populations locales, qui sont allées se réfugier et s'agréger à Teotihuacan. Et ceci explique aussi que Teotihuacan est une ville d'agrégation de communautés qui vont s'organiser dans des quartiers et que c'est aussi une cité cosmopolite où il y avait beaucoup d'étrangers qui ont conservé une partie de leur tradition culturelle. On trouve des variations dans les modes de dépôt funéraire, y compris dans la manière de s'alimenter, et voilà, qui vivaient côte à côte pour développer des activités artisanales et participer à la vie de la cité. Ah, il nous faut bien sûr parler pour Teotihuacan de son immense centre cérémoniel, de ses pyramides, celle du soleil, de la lune, du serpent, avec celle de la lune qui a été fouillée il y a quelques années, où on avait visiblement retrouvé des ambassadeurs étrangers, c'est bien ça, hein? Voilà, notamment des Mayas. Hein, sacrifiés. Voilà, oui, ils ne sont pas arrivés dans la pyramide de la Lune de leur plein gré, ça, ils avaient les mains attachées derrière le dos, donc. Mais on a retrouvé, depuis ces fouilles de la pyramide de la Lune, il y a beaucoup de projets actuellement à Teotihuacan, on a retrouvé aussi dans un palais le long de l'allée des morts, des restes de Mayas qui avaient été apparemment sacrifiés. On a retrouvé également dans la pyramide de Quetzalcoatl des sacrifiés, voilà, qui avaient été déposés aux angles de la pyramide. Ce sont des offrandes dédicatoires, une offrande humaine à but dédicatoire. Brigitte Faugère, à l'heure où les archéologues travaillent sur la résilience, peut-être est-il bon de rappeler que le collapse maya résulte bien sûr d'une crise climatique, mais aussi politique, économique, sociale et religieuse ? Tout à fait. Tout à fait. On mesure de mieux en mieux l'imbrication de ces facteurs. Le climat est bien entendu très important. On arrive aujourd'hui à bien mesurer des périodes de sécheresse qui débutent au 7e siècle de notre ère, mais qui vont s'intensifier bien après le collapse maya. Donc, les crises climatiques, les épisodes de sécheresse ne sont pas un facteur unique. On pense qu'il y a eu aussi un problème démographique au sein des cités mayas, puisque les cités étaient de plus en plus peuplées, avec probablement des problèmes de subsistance, de production agricole, et aussi des crises politiques. Brigitte Faugère, merci beaucoup. Donc je rappelle le livre que vous avez coédité, L'Atlas de l'Amérique précolombienne, bien sûr paru aux éditions Autrement. Un très beau petit ouvrage, très très réussi. Carbone 14 était réalisé par Louise André, à la technique Inès De Bruyne, et bien sûr avec le concours d'Anna Folpa. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.